Psaume numéro 140. Seigneur, je t'appelle, accours vers moi. Écoute mon appel quand je crie vers toi. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Mets une garde à mes lèvres, Seigneur, veille au seuil de ma bouche. Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal, ni devenir complice des hommes malfaisants. Jamais je ne goûterai leur plaisir. Que le juste me reprenne et me corrige avec bonté. Que leur parfum, ni leur poison ne touchent ma tête. Ils font du mal. Je me tiens en prière. Voici leurs juges précipités contre le roc, eux qui prenaient plaisir à m'entendre dire. Comme un sol qu'on retourne et défonce, nos os sont dispersés à la gueule des enfers. Je regarde vers toi, Seigneur, mon maître. Tu es mon refuge. Épargne ma vie, garde-moi du filet qui m'est tendu, des embûches qu'ont dressées les malfaisants. Les impies tomberont dans leurs pièges, seul, moi, je passerai.